le mois de mai qui ramena à Paris Gaston Lachaille, dota Gilberte de deux robes bien faites et d'un manteau léger, un paletot-sac comme Cléo de Mérode, disait-elle, de chapeaux et de chaussures. Elle y ajouta quelques frisures sur le front qui la banalisèrent. Elle parada devant Gaston dans une robe blanche et bleue qui touchait presque terre. « 4,25 mètres de tour, tonton, qu'elle a, ma jupe !» La minceur de sa taille, sanglée dans un ruban de gros grains à boucles d'argent, l'enorgueillissait. Mais elle essayait machinalement de libérer son beau cou musclé, pris dans un col baleiné, en Venise imitation, comme le corsage froncé. Les manches et la jupe évasées, en toile de soie à rayures blanches et bleues, bruissaient légèrement, et Gilberte pinçait avec coquetterie les bouffants des manches sur le bras, un peu plus bas que l'épaule. « Tu as l'air d'un singe savant, lui dit Lachaille. Je t'aimais mieux dans ta robe écossaise. Avec ce col qui te gêne, tu ressembles à une poule qui a avalé du maïs trop gros. Regarde-toi. » Froissée, Gilberte s'en rapporta au miroir. Un gros caramel, venu de Nice par les soins de Gaston, lui faisait la joue bossue. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, tonton, répliqua-t-elle, mais je n'ai jamais entendu dire qu'en fait de toilette, vous aviez du goût. » Il toisa suffoqué cette nouvelle grande fille et s'en prit à Madame Alvarez. « Jolie éducation, je vous en fais mon compliment. » Là-dessus, il sortit sans boire sa camomille et Madame Alvarez joignit les mains. « Qu'est-ce que tu nous as fait là, ma pauvre Gigi ?»« Ben, dit Gigi, pourquoi est-ce qu'il me cherche? Il a vu, hein, que je suis bonne pour lui répondre. » Sa grand-mère lui secoua le bras. « Mais rends-toi compte, petite malheureuse. Mon Dieu, à quel âge raisonneras-tu? Voilà un homme que tu as peut-être blessé mortellement. » Juste au moment où on s'évertue. À quoi, grand-mère? Mais à tout, à faire de toi une jeune fille élégante, à te montrer à ton avantage. Aux yeux de qui, grand-mère? Tu m'avoueras que pour un vieil ami comme tonton, on n'a pas besoin de se décarcasser. Madame Alvarez n'avoua rien. Pas même son étonnement, le lendemain, de voir arriver Gaston Lachaille, jovial, en complet gris clair. « Mets un chapeau, Gigi, je t'emmène au goûter. »« Où ?» cria Gigi. « Au réservoir, à Versailles. »« Chic, chic, chic !» chanta Gilberte. Elle se tourna vers la cuisine. « Grand-mère, je goûte au réservoir avec tonton !» Madame Alvarez parut, ne prit pas le temps de dénouer le tablier de ménage en satinette à fleurs qui lui saignait le ventre et interposa sa main douillette entre le bras de Gilberte et celui de Gaston Lachaille. « Non, Gaston, » dit-elle simplement. « Comment non ?»« Oh, grand-mère !» pleura Gigi. Madame Alvarez parut ne pas l'entendre. « Va un moment dans ta chambre, Gigi. J'ai à parler en particulier avec Monsieur Lachaille. » Elle regarda Gilberte s'en aller, ferma la porte derrière elle et supporta sans broncher, en revenant à Gaston, un regard noir assez brutal. « Qu'est-ce que ça signifie, mamita? Depuis hier, je trouve ici du changement. Dites-moi donc. « Asseyez-vous, Gaston, vous me ferez plaisir, je suis fatiguée, » dit Madame Alvarez. « Ah, mes pauvres jambes !» Elle soupira, attendit une marque d'intérêt qui ne vint pas et dénoua son tablier à bavette sous lequel elle portait une robe noire épinglée d'un large camé. Elle désigna une chaise à son hôte et garda le fauteuil pour elle. Puis elle s'assit pesamment, lissa ses bandeaux noirs et gris et croisa ses mains sur ses genoux. Le lent mouvement de ses grands yeux d'un noir roux, son aisance à demeurer immobile donnait à juger qu'elle était maîtresse d'elle-même. « Gaston, si j'ai de l'amitié pour vous... » Lachaille se permit un petit rire d'homme d'affaires et tira sur sa moustache. « De l'amitié et de la reconnaissance. Mais je n'oublie pas non plus que j'ai charge d'âme. André, comme vous le savez, n'a pas le temps ni le goût de s'occuper de la petite. » Notre Gilberte, ce n'est pas une débrouillarde comme il y en a tant. C'est une vraie enfant. De 16 ans, dit Lachaille. de 16 ans bientôt, approuva Madame Alvarez. Depuis des années, vous lui donnez des bonbons, des babioles. Elle ne jure que par tonton. Voilà maintenant que vous voulez l'emmener goûter dans votre automobile au réservoir. » Madame Alvarez mit une main sur son sein. « En mon âme et conscience, Gaston, si ça n'était que pour vous et pour moi, je vous dirais, emmenez Gilberte où vous voudrez, je vous la confie les yeux fermés. Mais il y a les autres. Vous êtes connus mondialement. Sortir en tête à tête avec vous, pour une femme, c'est... » Gaston Lachaille perdit patience. « Bon, bon, j'ai compris. Vous voulez me faire croire que goûter avec moi, voilà Gigi compromise. Un pareil bout de femme, une oseille verte, une gosse que personne ne connaît, que personne ne regarde. » Mettons plutôt, interrompit avec douceur Madame Alvarez, que la voilà consacrée. Quand vous paraissez quelque part, Gaston, on signale votre présence. Une jeune fille qui sortirait seule avec vous, ça n'est déjà plus une jeune fille ordinaire, ni même une jeune fille tout court. Notre Gilberte, elle, ne doit pas cesser d'être une jeune fille ordinaire, du moins pas de cette façon-là. Pour vous, ce qu'on en dirait ne serait qu'un racontard de plus, mais celui-là, je n'aurais pas le cœur d'en rire en le lisant dans le Gil Blas. » Gaston Lachaille se leva, marcha de la table à la porte et de la porte à la fenêtre avant de répondre. « Eh bien, mamita, je ne veux pas vous contrarier. Je ne discuterai pas, dit-il froidement. Gardez votre gamine. » Il se retourna vers Madame Alvarez, le menton haut. « Je me demande, entre parenthèses, pour qui vous la gardez ? Pour un employé à 2004 qui l'épousera et lui fera 4 enfants en 3 ans ?» « Je comprends mieux le rôle d'une mère, dit posément Madame Alvarez. Je ferai mon possible pour ne remettre Gigi qu'à un homme qui saura dire. Je me charge d'elle et j'assure son sort. Est-ce que j'aurai le plaisir de vous faire une camomille, Gaston ? Non, merci, je suis en retard. Voulez-vous que Gigi vienne vous dire au revoir ? Pas la peine, je la verrai un autre jour. Je ne sais pas quand, par exemple. Je suis très pris ces temps-ci. » « Ça ne fait rien, Gaston. Ne vous dérangez pas pour elle. Bonne promenade, Gaston. » Seule, Madame Alvarez s'essuya le front et alla rouvrir la chambre de Gilberte. « Tu écoutais à la porte, Gigi. » « Non, grand-mère. » « Si, tu écoutais à la porte. Il ne faut jamais écouter aux portes. » C'est le moyen d'entendre de travers et d'interpréter mal les paroles. Monsieur Lachaille est parti. Je le vois bien, dit Gilberte. Il faut que tu frottes les pommes de terre nouvelles dans un torchon, je les mettrai à sauter en rentrant. Tu sors, grand-mère? Je vais chez Alicia. Encore? C'est à toi d'y trouver à redire, dit Madame Alvarez sévèrement. « Tu ferais mieux de laver tes yeux à l'eau froide, puisque tu as été assez sotte pour pleurer. »« Grand-mère ! Quoi ? Qu'est-ce que ça te faisait de me laisser sortir avec tonton Gaston et ma robe neuve ? » ?»« Silence ! Si tu ne comprends rien à rien, au moins laisse raisonner les personnes qui sont capables de raisonnement. Et mets mes gants de caoutchouc pour toucher les pommes de terre. » Une loi de silence pesa toute la semaine sur le logis Alvarez que visita inopinément un jour tante Alicia. Elle vint en coupée de cercle, toute dentelle noire et soie mate, une rose près de l'épaule, et conversa soucieusement à l'écart avec sa sœur cadette. En s'en allant, elle ne donna qu'un moment d'attention à Gilberte, lui posa sur la joue un baiser pointu et s'en alla. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda Gilberte à Madame Alvarez. « Oh, rien, l'adresse du médecin qui a soigné Madame Buffeterie pour son cœur. » Gilberte réfléchit un moment. « C'était long, » dit-elle. « Qu'est-ce qui était long ?»« L'adresse du médecin. Grand-mère, je voudrais un cachet, j'ai la migraine. » « Tu l'avais déjà hier. Une migraine ne dure pas 48 heures. » « Il faut croire que je n'ai pas les migraines de tout le monde, » dit Gilberte blessée. Elle perdait un peu de sa douceur, disait en revenant de son cours, « Le professeur m'en veut !» se plaignait d'insomnie et glissait vers une paresse que sa grand-mère surveillait étroitement plutôt qu'elle ne la combattait. Un jour que Gigi s'occupait d'enduire de craie liquide ses bottines lacées en soie blanche, Gaston Lachaille parut sans avoir sonné. Il avait les cheveux trop longs, le teint assombri de hâle, un complet d'été à carreaux brouillés. Il s'arrêta court devant Gilberte, haut perché sur un tabouret de cuisine, le poing gauche coiffé d'une chaussure. « Oh, grand-mère a laissé la clé sur la porte, c'est bien d'elle !» Comme Gaston Lachaille ne disait rien et la regardait, elle rougit lentement, posa sa bottine sur la table et tira sa jupe sur ses genoux. « Ainsi, tonton, vous arrivez en cambrioleur. Tiens, vous avez maigri. Il ne vous nourrit donc pas, votre fameux ancien chef cuisinier du prince de Galles. D'avoir maigri, ça vous fait les yeux plus grands. Mais ça vous fait aussi paraître le nez plus long et... « J'ai à parler à ta grand-mère, » interrompit Gaston Lachaille. « File dans ta chambre, Gigi !» Elle resta un instant la bouche ouverte, puis sauta à bas de son tabouret. Elle enfla son cou puissant d'archange et marcha sur la chaille. « File dans ta chambre, file dans ta chambre, et si je vous en disais autant, moi, qu'est-ce que vous êtes donc ici pour me faire filer dans ma chambre ? Eh bien, j'y vais dans ma chambre, et je peux bien vous dire une chose, c'est que tant que vous serez là, je n'en ressortirai pas. » Elle rabattit la porte derrière elle et fit claquer théâtralement un verrou. Gaston, souffla Madame Alvarez, j'exigerai que cet enfant vous fasse des excuses. Oui, je l'exigerai, et s'il le faut, je... Gaston Lachaille ne l'écoutait pas et regardait la porte fermée. Maintenant, mamita, dit-il, parlons peu et parlons bien. Récapitulons, dit tante Alicia. Il a bien dit, pour commencer, elle sera gâtée comme... comme aucune femme ne l'a été. Oui, mais ça, c'est une parole vague, comme tous les hommes en disent. Moi, je suis pour les précisions. Elles n'ont pas manqué, Alicia, puisqu'il a dit qu'il voulait garantir Gigi contre tous les ennuis, et même contre lui-même, par une assurance qu'il était un peu comme son parrain. Oui, oui, pas mal, pas mal. Du vague, toujours du vague. Elle était encore couchée, ses cheveux blancs en boucle sur son oreiller rose. Elle nouait et dénouait, préoccupée, le ruban de son vêtement de nuit. Madame Alvarez, pâle et sombre, comme la lune et le nuage sous son chapeau du matin, appuyait au chevet ses bras croisés. Il a ajouté, « Je ne veux rien brusquer, je suis avant tout le grand ami de Gigi. Je lui donnerai tout le temps de s'habituer à moi. » Il en avait les larmes aux yeux. Il a dit encore, « Elle n'aura pas affaire à un sauvage. Enfin, un gentilhomme, un véritable gentilhomme. » Oui, oui, un gentilhomme un peu vague. La petite, tu lui as parlé net ? Comme je le devais, Alicia, ce n'était plus le moment de la traiter comme une enfant à qui on cache les gâteaux. Oui, j'ai parlé net, j'ai parlé de Gaston comme d'un miracle, comme d'un dieu, comme... Ta ta ta, critiqua Alicia, j'aurais plutôt fait ressortir la difficulté, la partie à jouer, la fureur de toutes ces dames, la victoire remportée sur un homme en vue. Madame Alvarez joignit les mains. La difficulté, la partie à jouer, tu crois donc qu'elle te ressemble, tu ne la connais donc pas, elle est sans méchanceté, elle. Merci. Je veux dire qu'elle n'a pas d'ambition. J'ai même été frappée de voir qu'elle ne réagissait ni dans un sens ni dans l'autre. Pas de cri de joie, pas de larmes d'émotion. Tout ce que j'en tirais, c'est des « Oh oui, oh c'est bien gentil de sa part ». À la fin seulement, elle a posé comme condition « Ce qu'il faut entendre », murmura Alicia, qu'elle répondrait elle-même aux propositions de M. Lachaille et qu'elle s'expliquerait seule avec lui. qu'en somme, ça la regardait. « Attendons-nous à du joli. Tu as donné le jour à une inconsciente. Elle va lui demander la lune et, je le connais, il ne la lui donnera pas. C'est à 4 heures qu'il vient ?»« Oui. » »« Il n'a rien envoyé, pas de fleurs, pas un bibelot ?»« Rien. C'est mauvais signe, tu crois ?»« Non, ça lui ressemble assez. Veille à ce que la petite s'habille gentiment. Elle a bonne mine. » Pas trop bonne aujourd'hui, pauvre petit lapin. Allons, allons, dit durement Alicia, tu pleurnicheras un autre jour quand elle aura tout fait rater. Tu n'as guère mangé, Gigi. Je n'avais pas beaucoup faim, grand-mère. Est-ce que je peux avoir un peu de café? Bien sûr. Et une goutte de combier? Mais oui, le combier est souverainement stomachique. La fenêtre ouverte laissait entrer les bruits et la tiédeur de la rue. Gilberte trempait le bout de sa langue jusqu'au fond du verre à liqueur. « Si tante Alicia te voyait, Gigi, » dit légèrement Madame Alvarez. Gigi ne répondit que d'un petit sourire désabusé. Sa vieille robe écossaise lui bridait la poitrine et, hors de sa jupe, elle étirait ses longues jambes sous la table. « Qu'est-ce que maman répète donc aujourd'hui qu'elle n'a pas déjeuné avec nous, grand-mère? Tu crois qu'elle répète vraiment à son opéra comique ?»« Puisqu'elle nous l'a dit. »« Moi, je crois qu'elle n'a pas voulu déjeuner ici. »« Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Sans quitter des yeux la fenêtre ensoleillée, Gilberte haussa les épaules. « Oh, rien, grand-mère !» Quand elle eut tari son verre de combier, elle se leva et commença à rassembler le couvert. « Laisse donc ça, Gigi, je vais desservir. »« Pourquoi, grand-mère? Je fais comme d'habitude. » Elle planta dans les yeux de Madame Alvarez un regard que la vieille dame ne soutint pas. « Nous avons déjeuné en retard, il est près de 3 heures et tu n'es pas habillée. Rends-toi compte, Gigi. » « Ce serait bien la première fois qu'il me faudrait 1 heure pour me changer. »« Tu n'as pas besoin de moi, tu es assez bouclée. »« Bien assez, grand-mère. Quand on sonnera, ne te dérange pas, j'irai ouvrir. » À 4 heures précises, Gaston Lachaille sonna 3 fois. Un visage enfantin et soucieux entrebâilla la porte de la chambre et écouta. Après 3 autres coups de sonnette impatients, Gilberte s'avança jusqu'au milieu de la pièce. Elle avait gardé sa vieille robe écossaise et ses bas de fil. Elle se frotta les joues de ses 2 poings fermés et courut ouvrir la porte. « Bonjour, tonton Gaston. Tu ne voulais donc pas m'ouvrir, mauvaise ?» Ils se heurtèrent de l'épaule en passant la porte, se dirent « Oh, pardon !» puis rirent gauchement. « Asseyez-vous, je vous en prie, tonton. Figurez-vous que je n'ai pas eu le temps de m'habiller. Ce n'est pas comme vous. En fait, de serge bleu marine, on ne fait pas mieux. »« Tu n'y connais rien, c'est de la cheviotte. »« C'est vrai, où ai-je la tête ?» Elle s'assit en face de lui, tira sa jupe sur ses genoux et ils se regardèrent. La gamine assurance de Gilberte défaillit, une sorte de supplication agrandit follement ses yeux bleus. « Qu'est-ce que tu as, Gigi ?» demanda Lachaille à mi-voix. « Dis-moi quelque chose. Tu sais pourquoi je suis ici ?» Elle fit signe que oui, d'un grand coup de tête. « Tu ne veux pas ou tu veux bien ?» dit-il plus bas. Elle passa une boucle de cheveux derrière son oreille, avala sa salive courageusement. « Je ne veux pas !» dit-elle. Lachaille pinça entre 2 doigts les pointes de sa moustache et détacha un moment son regard de 2 yeux bleus assombris, d'un grain de rousseur sur une joue rose, des cils courbes, d'une bouche qui ignorait son pouvoir, d'une lourde chevelure cendrée et d'un cou tourné comme une colonne, fort, à peine féminin, uni, pur de tout joyau. « Je ne veux pas ce que vous voulez, » reprit Gilberte. « Vous avez dit à grand-mère ?» Il interrompit en avançant la main. Il tenait sa bouche un peu de travers, comme s'il souffrait des dents. Je le sais ce que j'ai dit à ta grand-mère. Ce n'est pas la peine que tu le répètes. Dis-moi seulement ce que tu ne veux pas. Tu peux dire aussi ce que tu veux, je te le donnerai. Vrai ? S'écria Gilberte. Il acquiesça en abattant ses épaules comme s'il était recrue de fatigue. Elle regardait, surprise, ses aveux de la lassitude et du tourment. « Tonton, vous avez dit à grand-mère que vous vouliez me faire un sort. »« Un très beau, » dit fermement la chaille. « Il sera beau si je l'aime, » dit Gilberte non moins fermement. « On m'a corné aux oreilles que je suis en retard pour mon âge. Je comprends tout de même ce que parler veut dire. Me faire un sort, ça signifie que je m'en irai d'ici. Que je m'en irai d'ici avec vous et que je coucherai dans votre lit. » « Je t'en prie, Gigi !» Elle s'arrêta parce qu'il avait en effet l'accent de la prière. « Mais, tonton, pourquoi est-ce que je serais gênée pour vous en parler, puisque vous n'avez pas été gênée pour en parler à grand-mère ? Grand-mère non plus n'a pas été gênée pour m'en parler. Grand-mère a voulu me faire voir tout en beau, mais j'en sais plus qu'elle ne m'en a dit. » « Je sais très bien que si vous me faites un sort, il faudrait que j'aie mon portrait dans les journaux, que j'aille à la fête des fleurs et aux courses et à Deauville. Quand nous serons fâchés, le Gil Blas et le Paris en amour le raconteront. Quand vous me laisserez en plan pour de bon, comme vous avez fait quand vous en avez eu assez de Gentiane des Cévennes. Comment tu sais ça? On t'a mêlé à ces histoires ?» Elle inclina la tête gravement. « Ces grand-mères et tante Alicia, elles m'ont appris que vous étiez mondial. Je sais aussi que Maryse Chuquet vous a volé des lettres et que vous avez porté plainte contre elle. Je sais que la comtesse Parievski n'était pas contente après vous parce que vous ne vouliez pas épouser une divorcée et qu'elle vous a tiré un coup de revolver. Je sais ce que tout le monde sait. » La chaille posa sa main sur le genou de Gilberte. « Ce n'est pas de ces choses-là que nous avons à parler ensemble, Gigi. Tout ça, c'est fini, c'est passé. »« Bien sûr, tonton, jusqu'à ce que ça recommence. Ce n'est pas votre faute si vous êtes mondial. Mais moi, je n'ai pas le caractère mondial. Alors, ça ne me va pas. » En tirant sur le bord de sa jupe, elle fit glisser de son genou la main de Gaston. « Tante Alicia et grand-mère sont d'accord avec vous. » Mais comme il s'agit tout de même un peu de moi, je crois que j'ai mon mot à placer. Mon mot, c'est que ça ne me va pas. » Elle se leva et arpenta la pièce. Le silence de Gaston Lachaille paraissait la gêner. Elle ponctua son va-et-vient de « C'est vrai, c'est pas ? Non, mais tout de même, quoi ?»« Je voudrais savoir, dit enfin Gaston, si tu ne cherches pas simplement à me cacher que je te déplais. » Si je te déplais, ce serait plus vite fait de le dire. Mais non, tonton, vous ne me déplaisez pas. Je suis contente quand je vous vois. La preuve, c'est que je vais vous proposer quelque chose à mon tour. Vous viendrez ici comme d'habitude, même plus souvent. Personne n'y verrait du mal puisque vous êtes un ami de la famille. Vous m'apporteriez des réglisses, du champagne pour ma fête. Le dimanche, on ferait un piquet monstre. Est-ce que ce n'est pas une bonne petite vie? Une vie sans toutes ces histoires de coucher dans votre lit et que tout le monde le sache, de porter un collier de perles, d'être toujours photographiée et toujours sur le qui-vive, de... » Elle tortillait machinalement autour de son nez une mèche de ses cheveux, si bien qu'elle nasillait et que le bout de son nez devenait violet. « Très jolie petite vie, en effet, » interrompit Gaston Lachaille. « Tu n'oublies qu'une chose, Gigi, c'est que je suis amoureux de toi. »« Ah ! » s'écria-t-elle, « vous ne me l'avez jamais dit !»« Eh bien, avoua-t-il malaisément, je te le dis. » Elle restait debout devant lui, silencieuse et respirant vite. Son embarras ne dérobait rien d'elle, ni le double battement de sa gorge sous l'étroit corsage, ni une rougeur meurtrie en haut de ses joues, ni la palpitation de sa bouche, close, mais destinée à s'ouvrir et à savourer. Voilà autre chose, s'écria-t-elle enfin. Mais alors, vous êtes un homme affreux. Vous êtes amoureux de moi et vous voudriez m'entraîner dans une vie où je ne me ferai que de la peine, où tout le monde potine sur tout le monde, où les journaux écrivent des méchancetés. Vous êtes amoureux de moi et ça ne vous ferait rien de me mettre dans des aventures abominables qui finissent par des séparations, des disputes, des sans-domir, des revolvers et du lot, d'un homme. » Elle éclata en sanglots violents qui firent autant de bruit qu'une quinte de toux. Gaston la saignit de ses bras pour l'incliner vers lui comme une branche, mais elle lui échappa et se réfugia entre le piano et le mur. « Mais écoute, Gigi, écoute-moi. Jamais, jamais je ne vous reverrai. Je n'aurais jamais cru ça de vous. Vous n'êtes pas un amoureux, vous êtes un mauvais homme. Allez-vous-en d'ici. » Elle s'aveuglait de ses deux poings qu'elle écrasait sur ses yeux. Gaston l'avait rejointe et cherchait sur ce visage bien défendu la place d'un baiser. Mais il ne trouvait sur ses lèvres que le bord d'un petit menton couvert de larmes. Au bruit des sanglots, Madame Alvarez accourut. Pâle et circonspecte, elle se tint hésitante au seuil de la cuisine. « Mon Dieu, Gaston, dit-elle, qu'est-ce qu'elle a donc ?»« Eh, dit Lachaille, elle a qu'elle ne veut pas. »« Elle ne veut pas ?» répéta Madame Alvarez. « Comment, elle ne veut pas ?»« Non, elle ne veut pas. Je parle clairement, je pense. »« Non, je ne veux pas !» piaula Gigi. Madame Alvarez regardait sa petite fille avec une sorte de frayeur. « Gigi, mais c'est à se jeter la tête contre les murs. Gigi, je t'ai pourtant dit. Gaston, Dieu m'est témoin que je lui ai dit. Vous ne lui en avez que trop dit !» cria Lachaille. Il tourna vers la petite son visage qui n'était plus que celui d'un pauvre homme chagrin et épris. Mais elle montrait seulement son dos étroit et secoué de pleurs, sa chevelure désordonnée. Il cria sourdement « Ah, et puis j'en ai assez !» et partit en claquant la porte. Le lendemain, à 3 heures, tante Alicia, appelée par pneumatique, descendait de son coupé de cercle, gravissait l'étage des Alvarez en imitant les soufflements des cardiaques et poussait sans bruit la porte que sa sœur avait laissée tout contre. « Où est la petite ?»« Dans sa chambre. Tu veux la voir ?»« On a le temps. Comment est-elle ?»« Très calme. » Alicia leva ses petits poings coléreux. « Très calme. Elle a fait tomber le plafond sur nos têtes et elle est très calme. Quelle génération !» Elle releva sa voilette à poids et foudroya sa sœur du regard. Et toi, qui restes là, qu'est-ce que tu comptes faire ? Son visage de rose froissé affrontait durement le grand visage blanc de sa sœur, qui rejamba avec modération. Comment ce que je compte faire ? Je ne peux pourtant pas l'attacher, cette petite. Un long soupir souleva ses épaules replètes. On peut dire que je n'ai pas mérité les enfants que j'ai. Quand tu te lamenteras, Lachaille est parti d'ici dans l'état d'esprit où un homme fait toutes les bêtises. Et même sans son canotier, dit Madame Alvarez, il est monté nu-tête dans son auto. Toute la rue a pu le voir. On me dirait qu'à l'heure qu'il est, il est fiancé ou en train de se remettre avec Liane, je n'en serais pas surprise. Le moment est fatidique, dit lugubrement Madame Alvarez. Comment lui a-t-il parlé après, à cette petite punaise ? Madame Alvarez pinça les lèvres. Gigi est peut-être un peu timbrée pour certaines choses et en retard pour son âge, mais elle n'est pas ce que tu dis. Une jeune fille qui a fixé l'attention de M. Lachaille n'est pas une petite punaise. Un furieux haussement d'épaule secoua les dentelles noires d'Alicia. Bon, bon. Qu'est-ce que tu as reproché à ta princesse en mettant des gants ? Je lui ai parlé raison, je lui ai parlé famille, je lui ai fait envisager que nous étions attachés à la même corde, je lui ai énuméré tout ce qu'elle pourrait réaliser pour elle-même et pour nous. Et des raisons ? Tu ne lui as pas parlé des raisons ? Tu ne lui as pas parlé amour, voyage, clair de lune, Italie ? Il faut savoir faire résonner toutes les cordes. Tu ne lui as pas dit que, de l'autre côté du monde, la mer est phosphorescente et qu'il y a des oiseaux-mouches dans les fleurs et qu'on fait l'amour sous les gardénias près d'un jet d'eau ?» Madame Alvarez regarda tristement sa fougueuse aînée. « Je ne pouvais pas le lui dire, Alicia, puisque je n'en sais rien. Le plus loin que j'ai été, c'est Cabourg et Monte-Carlo. » « Tu n'es pas capable de l'inventer ?»« Non, Alicia. » Elles se turent toutes deux. Alicia fit un geste de décision. « Appelle-moi cet oiseau, on va voir. » Quand Gilberte entra, tante Alicia avait repris sa gentillesse de vieille dame frivole et respirait la roseté épinglée près de son menton. « Bonjour, ma Gigi. » « Bonjour, tante Alicia. Qu'est-ce qu'Inès m'apprend ? Que tu as un amoureux ? Et quel amoureux ! Pour ton coup d'essai, c'est un coup de maître !» Gilberte acquiesça, fit un petit sourire méfiant et résigné. Elle offrait à la curiosité aiguë d'Alicia sa fraîche figure, à laquelle le cerne lilas des paupières, la fièvre de la bouche, ajoutait une sorte de maquillage. Pour avoir moins chaud, elle avait relevé ses cheveux sur ses tempes à l'aide de deux peignes qui lui tiraient les coins des yeux. « Il paraît que tu fais la méchante et que tu essaies tes griffes sur M. Lachaille. Bravo, ma petite fille !» Gilberte leva sur sa tante des yeux incrédules. « Mais oui, bravo, il n'en sera que plus heureux quand tu seras redevenue gentille. » « Mais je suis gentille, tante. Seulement, je ne veux pas, voilà tout. »« Oui, oui, nous savons. Tu l'as renvoyé à sa sucrerie, c'est parfait. Mais ne l'envoie pas au diable, il serait capable d'y aller. En somme, tu ne l'aimes pas. » Gilberte fit un geste enfantin des épaules. « Si, tante, je l'aime bien. »« C'est ce que je dis, tu ne l'aimes pas. » « Remarque que je n'y vois pas de mal, ça te laisse toute ta liberté d'esprit. »« Ah, si tu avais été folle de lui, je n'aurais pas été trop rassurée. »« C'est un beau brun, Lachaille. Bien bâti, il n'y a qu'à voir ses photos de Deauville en costume de bain. »« Là-dessus, sa réputation est faite. »« Oui, je t'aurais plainte, ma pauvre Gigi. Débuté par une passion, s'en aller seule à seule de l'autre côté du monde... » Oubliez tout, dans les bras de l'homme qui vous aime, écoutez le chant de l'amour sous un éternel printemps. Ça ne parle donc pas à ton cœur, ces choses-là. Qu'est-ce que ça te dit ? Ça me dit que quand l'éternel printemps est fini, M. Lachaille s'en va avec une autre dame. Ou bien c'est la dame, mettons-moi, qui quitte M. Lachaille, et M. Lachaille s'en va tout raconter. Et la dame, mettons toujours moi, n'a plus qu'à aller dans le lit d'un autre monsieur. Je ne veux pas. Moi, je ne suis pas changeante. » Elle croisa ses bras sur ses seins et frissonna légèrement. « Grand-mère, est-ce que je peux avoir un cachet ? Je voudrais me coucher, j'ai froid. » « Idiote ! » éclata tante Alicia. « Tu mérites d'avoir un petit magasin de mode. Allez, va, épouse un expéditionnaire. » « Si tu y tiens, tante, mais je voudrais me coucher. » Madame Alvarez lui tâta le front. « Tu te sens mal ?»« Non, grand-mère, c'est que je suis triste. » Elle appuya sa tête à l'épaule de Madame Alvarez et, pour la première fois de sa vie, ferma les yeux pathétiquement, comme une femme. Les deux sœurs se regardèrent. « Tu penses bien, ma Gigi, dit Madame Alvarez, qu'on ne va pas te tourmenter à ce point-là, du moment que tu ne veux pas. »« Ce qui est raté est raté, dit sèchement Alicia. On ne va pas en parler toute la vie. »« Tu ne pourras pas nous reprocher que les conseils t'aient manqué et les plus compétents, dit Madame Alvarez. »« Je sais bien, grand-mère, mais je suis triste quand même. »« Pourquoi ?» Une larme descendit, sans la mouiller, sur la joue duvetée de Gilberte, qui ne répondit pas. Au coup de sonnette brusque qui grelotta, elle sauta sur ses pieds. « Oh, ça doit être lui, » dit-elle. « C'est lui. Grand-mère, je ne veux pas le voir. Cache-moi, grand-mère. » À l'accent bas et passionné, tante Alicia leva sa tête fine, tendit son oreille experte. Puis elle courut ouvrir la porte et revint promptement. Gaston Lachaille, le teint bilieux et le blanc de l'œil trouble, la suivait. « Bonjour, Mamita, bonjour, Gigi, » dit-il d'un ton badin. « Ne vous dérangez pas, je viens pour reprendre mon canotier. » Aucune des trois femmes ne répondit et son assurance le quitta. « Enfin, quoi, vous pouvez bien me dire un mot quand ce ne serait que bonjour. » Gilberte avança d'un pas. « Non, dit-elle, vous ne venez pas reprendre votre canotier. Vous en avez un autre à la main, et vous n'attendez pas après un canotier. Vous venez pour me faire encore de la peine. » Ça, éclata Madame Alvarez, c'est plus que je ne peux en entendre. Comment, Gigi, voilà un homme qui, n'écoutant que son grand cœur... « S'il te plaît, grand-mère, rien qu'une minute. J'ai fini tout de suite. » Elle tira machinalement sa jupe, assura la boucle de sa ceinture et marcha jusqu'à Gaston. « J'ai réfléchi, tonton. J'ai même beaucoup réfléchi. » Il interrompit pour l'empêcher de dire ce qu'il redoutait d'entendre. « Je te jure, ma chérie !»« Non, ne me jurez pas. J'ai réfléchi que j'aimais mieux être malheureuse avec vous que sans vous. Alors ?» Elle s'y reprit à deux fois. « Alors ? Voilà. Bonjour, Gaston !» Elle lui tendit sa joue comme d'habitude. Il l'embrassa un peu plus longtemps que d'habitude, jusqu'à ce qu'il la sentît devenir attentive, puis immobile et douce dans ses bras. Madame Alvarez parut vouloir s'élancer, mais la petite main impatiente d'Alicia la retint. « Laisse, ne t'en mêle plus, tu ne vois pas que ça nous dépasse ?» Elle montrait Gigi qui reposait sur l'épaule de Lachaille, sa tête confiante et la richesse de ses cheveux épars. L'homme heureux se tourna vers Madame Alvarez. « Mamita, dit-il, voulez-vous me faire l'honneur, la faveur, la joie infinie de m'accorder la main ?» Fin de Gigi, de Colette.